صريح الدلالة على الكفر أي مشتمل لفظا واضحا من معه القلم الله يبارك أي مشتمل لفظا مشتمل لفظا واضحا مكفرا بخلاف المحتملات من الألفاظ. Donc on a vu qu'il est impératif que la parole soit ou la parole ou l'action soit ou indique clairement la mécréance. نعم. ومثال الألفاظ المكفرة بصريح العبارة. Et en guise d'exemple des paroles qui sont claires en termes d'indication de la mécréance. الفاظ الشرك الأكبر كقول بعضهم يا سيدي فلان عافني أو ارزقني كسي يعني par exemple comme paroles qui sont claires dans يعني dans leur sens et dans leur indication à la mécréance. La parole de certaines personnes qui disent « Oh maître, oh toi mon maître » et ils visent autre qu'Allah. « Oh toi mon maître, un tel, protège-moi. »« Infini. » Yani, « Préserve-moi dans ma santé. » »« Et accorde-moi la subsistance. » Na'am. Donc ça, c'est des paroles qui sont claires dans le shirk. « Oh, awdah min dhalik » Vous pouvez écrire « Ou awdah min dhalik »« Qawl ba'd al-rafidah »« Anna aliyan hu Allah » Et plus clair encore que ces paroles-là, la parole de certains rafidah « Ou awdah min dhalik »« Qawl ba'd al-rafidah » أن عليا هو الله. Un certain رافضة ils ont prétendu que Ali était Allah عز وجل. فالذي يقول هذا كلامه صريح. Sa parole elle est claire dans la mécréance. يعني en termes d'indication vers la mécréance. طيب وكذلك من الأفعال المكفرة الصريحة. Et aussi en guise d'exemple des œuvres qui sont clairs en termes de mécréance. إلقاء المصحف تعمدا بالقدرات مع علمه بأنه كتاب الله بأنه كتاب الله لأنه لا يحتمل إلا الاستخفاف والاستحقار. Parmi les exemples d'actions qui sont claires en termes d'indication vers la mécréance, le fait qu'il jette le mushaf, le Coran, dans les saletés, les ordures. Et il le fait volontairement et aussi en sachant que c'est le livre d'Allah Azzawajal. Celui qui fait cela, c'est du kufr wadih. Mafhoum? Ya Mahdi. Celui qui fait cela, c'est du kufr wadih. Hada min qawli takfir. C'est du takfir ou là? حسبك اسكو سيدي تكفير اولا نعم طيب سكل جور دو تكفير مطلق ولا معين مطلق احسن هذا تكفير مطلق تمام طيب نعم طيب اما الالفاظ المحتمله للكفر وعدمه. Mais au sujet des paroles qui sous-entendent, qui peuvent sous-entendre la mécréance comme son contraire, la parole, yani, oh, là c'est, yani, le mafroud c'est que ça soit, amma al-alfaz, yani, le mafroud, an yakuna, amma al-af'al. Faut changer ça. Amma al-af'al. وأما الأفعال المحتملة وأما الأفعال أما الأفعال المحتملة للكفر وعدمه، رجل يصلي إلى القبلة وأمامه نار أو قبر، فيحتمل أنه يصلي لله أو للنار أو للقبر أو للنار أو للقبر. Donc une personne qui prie vers la qibla, il prie vers la qibla, mais en face de lui il y a soit une tombe ou soit un feu. طيب يعني ça c'est pas clair. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il veut forcément prier pour le feu ou prier pour la tombe. Peut-être qu'il veut prier pour Allah Azza wa Jal comme il est tourné vers la qibla. طيب. فلا بد من تبين حاله وقصده. Là, on est obligé d'éclaircir sa situation et qu'est-ce qu'il veut par cela. C'est quoi son but ? والنظر الى قرائن حاله. Et aussi on doit regarder dans les qara'in, les indices qui peuvent nous aider à comprendre sa situation. Par exemple, s'il fréquente les majus, les adorateurs du feu, فالان on va plus pencher à ce que il adorait le feu. نعم. تمام. Et ça aussi on va revenir inchallah sur le fait d'avoir des indices. Et de vrai avec ces indices. Une bave khasse fi hala, yani sayatina fi durus al-qadim. طيب هل هو يعني طيب والنظر الى قرائن حاله هل هو معروف بالخير او في دينه ريب. Est-ce qu'il est connu pour le bien, c'est-à-dire on sait que c'est quelqu'un de pieux? Si c'est le cas, si on sait que c'est quelqu'un de pieux, on va pas dire qu'il adorait la tombe, on va pas dire qu'il adorait la femme. Le feu. Mais on va dire, et on espère qu'il a voulu adorer Allah, et il s'est trompé, il a fait une khata lorsque il a prié devant une tombe ou quoi que ce soit. Si par exemple la qibla est par là, il y a des tombes, tu peux pas prier. Là, tu peux aller chercher un autre endroit. Non, c'est là que c'est pourquoi on dit que c'est une khata de sa part. Mais on dit pas que il est sorti de l'islam. Et on ne dit pas qu'il a adoré le feu ou il a adoré la tombe. Le jour, c'est interdit de prier devant. Même si Alex a la mosquée. Là, là, tu peux. Allez, d'ailleurs, c'est très bien que. Là, par exemple, moi, à la mosquée de Paris, par exemple, là, tu sors les filles. Là, c'est interdit. C'est interdit. Non. Hein? Machine, il y a pas. في المسجد النبوي؟ في المسجد النبوي في قبر في المسجد؟ بالله؟ بالله؟ في قبر في المسجد يا يزيد؟ في قبر في المسجد؟ ولا خارج من المسجد؟ في بيت عايش. ها؟ في بيت عايش. في قبر في المسجد النبوي؟ في المسجد؟ نعم؟ طيب مسألة القبر في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا نحن نتبع من؟ نتبع من؟ النبي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لا تصلي لا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيوة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وأنا أنهاكم عن ذلك. Et moi je vous interdis cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a maudit les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont pris des tombes, ils ont fait des tombes de leurs prophètes des endroits de prière. Et moi je vous interdis de faire cela. هذا دليل. ثم ثانيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وين كانت المسجد وين كان المسجد هذا بيت عائشة والمسجد يعني متلاصق. Il était collé à la maison d'Aïcha. Quand ils ont enterré la tombe du prophète عليه الصلاة والسلام, ils l'ont donc enterré à l'intérieur de la mosquée ou à l'extérieur? À l'extérieur. نعم. هذا في قرن من؟ قرن الصحابة. يعني ça c'est à l'époque des compagnons. بعد ذلك المسجد بقيت على هذا الحال في أيام عمر في أيام أبو بكر أبي بكر ثم في أيام عمر ثم في أيام عثمان ثم في أيام علي ثم في أيام معاوية وحصل بعد في أمراء في lors du califat de ماذا de Omar ibn Abdel Aziz. C'est lors du califat de Omar ibn Abdel Aziz qu'ils ont agrandi la mosquée du côté de la tombe. Et ils ont fait rentrer ainsi la tombe dans la mosquée. Lorsque Omar ibn Abdel Aziz il a ordonné cela, yani, ijtihad min. C'est un effort de sa part. C'est un effort de sa part. لكن أخطأ خطأ كبيرا. Et c'est une erreur de sa part. Et c'est une grande erreur. وأنكروا عليه جميع أو يعني كثير من العلماء في زمنه. Et beaucoup de ulama ils ont réfuté son acte. Ils ont réfuté son acte. فهو مجتهد. ولا شك. Donc lui il est مجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم il dit que للمجتهد أجران إن أصاب الحق وإن أخطأ فله أجر واحد. Donc lui, c'est son effort de sa part, c'est un effort qu'il a fait. Et il a une récompense pour cela. نعم. Mais celui qui le suit على ذلك, فلا. نعم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الأمر, يعني ça c'était un خلاف يعني قوي جدا. العلماء يعني أكثرهم انكروا عليه انكارا شديدا vraiment ils ont réfuté l'œuvre de عمر بن عبد العزيز وما يدرك ما يدريكم من هو عمر بن عبد العزيز كبير من كبراء القوم سلف في partie des têtes des سلف الصالح mais malgré tout هو بشر يصيب ويخطي فهذه حصل في خليفته وأخطأ ونسيت من الأئمة خطأوه يعني j'ai oublié le nom des imams qui l'ont fermement réfuté. طيب وكذلك القبة après cette bid'a là d'avoir fait rentrer la tombe dans la mosquée ils ont rajouté la قبة au-dessus le dôme là. Ce dôme vert كذلك هذا حصل في أيام الملوك. Ça c'est aussi, ça s'est produit aussi pareil après l'époque d'Omar ibn Abd al-Aziz. فتن حصل. نعم. والناس لما تقول له القبة في المسجد حرام أو يعني من المنارة هذه حرام وكذا يقول المسجد النبوي. المسجد النبوي أنت كذا وكذا. عرفت؟ لكن خير الهدي هديه. ولعل كثير منكم حصل على يعني سورة من المسجد النبوي في أيام الصحابة زي بتتفق سوى واتساب ولا سوى يعني لفوتو أو لماج دي سانتيز دي لا ميزون أو دي لا مسكي لا مسكي دي البروفيت صلى الله عليه وسلم كيف كانت في أيام الصحابة ليس هناك منارة ولا قبة ولا شيء من ذلك. نعم. ما حكم تصلي في هذا المسجد؟ لا هذا ما دام أن العلماء بعد ذلك اجتمعوا وبعد بعضهم يقولون إلى يومنا هذا ليست المسجد في يعني ليست القبر في المسجد النبوي. Certains d'entre eux disent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui la قبر elle ne fait pas partie de la mosquée. C'est comme si par exemple Là, t'as la construction. Après, t'as une autre construction. Là, t'as une autre construction. Et la tombe, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme tu sais, quand tu passes, c'est le prophète. Naam. Il y en a qui prient devant. Naam. Bilan chak. Naam. Lakin, al-ulama, ala annahu, khata min haula, wal ahadith, al-warida, fi fadl, hadha al-masjid, kana fi ilmillah. Donc, les ahadith. Sur le bienfait de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent du prophète alayhi salatu wa sallam et viennent de la science d'Allah azza wa jal qui savait bien que cette mosquée يعني ce qu'allaient en faire les gens في ما بعد. نعم. ف يعني si on prend le qawl comme quoi la parole la qabr la tombe elle est toujours pas dans la mosquée, فنرتاح. Et si on dit qu'elle est dans la mosquée, parce que l'imam Ibn al-Qayyim, eux ils voient qu'elle n'est pas dans la mosquée. L'imam Ibn al-Qayyim, il a une kalam, Jamila, qui dit que même elle n'est pas dans la mosquée. Lakin ala kulli hal, hadhi al-umma, hiya umma tuqadu bil ulama. C'est une umma qui est guidée par les ulama. Ma min ahad yastati' yasbaquhum bil qawl wal fa'l wal kadh. إذا أجازوا في شيء فنحن بعد العلماء عرفتم هذا هو فدي مومون في العلماء ils ont rendu se faire permis وهذا من زمن يعني عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى يومنا هذا كم من علماء ما من أحد منع من الصلاة في المسجد النبوي فيما أعلم والإرادة هذا كذلك ربما سي الله يفسيت كونو تطهير الاعتقاد فيما بعد لكتب نافع في علم التوحيد هذه المسألة مذكورة في هذا الكتاب نعم طيب ونعم نواصل طيب والنظر إلى قرائن حاله هل هو معروف بالخير أو في دينه ريب ريب كمجوسي من عباد النار أظهر إسلامه تقية donc comme si يعني on va regarder si c'était quelqu'un de bien ou si c'était quelqu'un dans son dîne il y avait des choses blâmables comme quelqu'un qui adore le feu comme les majous les adorateurs du feu يعني certains parmi eux ils ont montré qu'ils étaient musulmans d'une manière à se protéger du mal qu'il soit pas tué ou autre. وقد بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله لهذه المسألة في كتاب الصلاة من صحيحه. Et donc l'imam al-Bukhari il a mis un chapitre dans son kitab authentique, sahih, dans le chapitre de la prière, où il dit باب من صلى وقدامه تنور تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. Donc l'imam al-Bukhari dit chapitre. Celui de, une personne qui prie et devant lui il y a un tannour. Tannour c'est un espèce de feu. C'est un espèce de four. Un espèce de four. Il y a un tannour ou un feu ou autre chose qui est adoré ou autre chose qui peut être adoré. فأراد به الله. Et lui, il fait ça là, mais il veut prier Allah Azza wa Jalla. Tout ça, c'est pour vous montrer que ce faire là, dans, selon cette image-là, on ne peut pas rendre la personne tout de suite mécréante. Vous voyez ? Parce que c'est un fi'l muhtamal. Ça sous-entend qu'il a voulu prier pour la tombe ou pour le feu, tout comme ça sous-entend qu'il a voulu prier pour Allah Azza wa Jalla. ومثال الأقوال المحتملة et en guise d'exemple des paroles qui sont muhtamila qui sous-entendent le kufr ou son contraire من سب طيب من سب أبا هاشميا من سب أبا هاشميا celui qui insulte le père d'un هاشمي Hashimi, c'est les gens qui descendent de la tribu Bani Hashim, la tribu du prophète alayhi salatu wa salam. Non. Non. Bani Hashim. Bani Hashim. Uzzira ala dhalik. Uzzira ala dhalik. Il sera puni pour cela. وَلَا يُجِعَلْ ذَلِكَ سَبًّا لِلنَّبِي Mais on ne fait pas de cela une insulte envers le prophète. Un exemple. Abdel Karim, on dit qu'il est Hashimi, il fait partie des descendants du prophète. Si je viens, je lui dis, j'insulte ses grands-pères. J'ai dit, ah, tes ancêtres, c'est des cadavres, cadavres. Tu vois? Il sera blâmé pour cela. Il sera blâmé, il sera puni pour cela. Mais on va pas faire de cette insulte, on va pas faire de cette insulte une insulte qui touche le prophète, alayhi salatu wassalam, directement. Car une insulte qui touche le prophète directement, ça fait sortir l'islam. Non. ذلك ولا يجعل ذلك سبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولو سب أباه وجده لم يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم. Et ceci même s'il insulte son père ou il insulte son grand-père, il dit ton père, ça veut pas forcément dire, parce que on peut dire par exemple quelqu'un, il peut dire quelqu'un qui est de la tribu du, qui est de Ahl al-Bayt, il peut dire mon père c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mimbar, yani en visant son arrière-grand-père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit ana Muhammad ibn Abd al-Muttalib. Je suis Muhammad ibn Abd al-Muttalib. Le fils de Abd al-Muttalib. Wa hal huwa kadhalik? La. Huwa ibn man? Ibn Abdillah. Lakin du moment que c'est son grand-père, jaza dhalik, ça lui a permis de dire d'une certaine manière que c'est son père. Donc si la personne elle insulte le père de quelqu'un qui vient de la famille du prophète sallam ou son grand-père, cette insulte là ne va pas forcément être renvoyée au prophète alayhi salatu wassalam. Naam. طيب وجد فإن اللفظ ليس ظاهرا في ذلك. نعم. Car la cette prononciation elle est pas claire. إذ الجد المطلق هو أبو الأب. وإذا سمي العبد جدا فجده كثيرة فلا يزول الإيمان المتيقن بالشك. Ça c'est une kalima jamila. Donc en général le grand-père d'une personne c'est le père de son père, c'est ça le général. Donc on ne peut pas dire que cette parole là elle est applicable au prophète. Et il dit juste après, et ça en vérité c'est une parole de Cheikh al-Islam, c'est le fatawa. Comme on a évoqué juste après. طيب. نعم. Et ensuite il dit فلا يزول الإيمان المتيقن بالشك. La foi, yani qui est claire, elle ne peut pas partir avec un doute. Toi tu sais que Fulan, c'est un mu'min, il prie avec toi tous les jours. Là, là. Ça c'est clair, واضح. C'est-à-dire cette foi-là, là, elle ne peut pas partir avec un doute. Tu ne peux pas dire ah non. Il a voulu dire ça, alors que l'histoire elle est douteuse, la parole elle est douteuse. Mafhoum? Wala yubah ad-dam al-ma'soum bi-shak. Et le sang d'une personne protégée ne peut être proclamé halal avec un doute. Naam. Tamam? Fahada alladhi dhakarna ams. Tayyib. Thumma. Cheikh al-Islam. Ibn Taymiyyah fil Fatawa comme Joker. Donc du coup faites pas attention à la parole d'après là, Kalam Ghayr Mafhoum ya Jibril, c'est parce qu'il avait pas écrit Man Sabba Aban Hashimiyya. Il avait tamam. طيب وكذلك من شروط التكفير المعين ثبوت الكفر او الردة عليه ثبوتا شرعيا بطريق صحيح. بطريق صحيح. Et juste après, là vous allez rajouter une parole qui a échappé à celui qui a tapé, lorsqu'il a mis en gras. Il dit لأن المكلف لأن المكلف لا يؤخذ بشيء من أقواله أو أفعاله لأن المكلف لا يؤخذ بشيء من أقواله أو أفعاله في أحكام الدنيا إلا بطريق تثبتها الشريعة. Car la personne à qui il est obligé, à qui sont obligatoires les ordres de l'islam et les interdits. La personne à qui il est obligatoire cela, yani, elle ne peut être prise ou châtiée ou condamnée pour une chose, que ce soit par rapport à une de ses paroles ou à une de ses œuvres, concernant les jugements de cette dunya, parce que lorsque tu dis une personne, c'est un mécréant, ça c'est dans cette dunya. C'est un hukm vahir, c'est un hukm de ce qui t'a, et de ce qui te, voilà, de ce qui t'a montré. Puis il y a des dunya. Donc ça, ça ne peut être, yani, pris en compte, illa bi, bituruq tathbutuha al-shari'a. Seulement par la manière qu'a confirmé la législation. Tathbutuha al-shari'a. Oui. لأن المكلف لأن المكلف لا يؤخذ بشيء لا يؤخذ بشيء من أقواله أو أفعاله لا يؤخذ بشيء من أقواله أو أفعاله في أحكام الدنيا إلا بطرق تثبتها الشريعة. Non. C'est pardonné par ignorance, surtout on voit ça, on pense que c'est un écran. En fait, c'est un musulman. Ouais, ça, ça va dépendre, c'est dans quel pays tu vis. Dans quel pays. Ici, ici. Et d'accord, on compte, t'as fait. Et d'accord, t'as fait. Pas si le religieux, c'est un musulman, il n'y a pas de. Fa'anta ala l'asl. Yani, l'asl, anna. Yani, soukhan ala l'balad, hum kufa. La base de ce pays, c'est que ceux qui l'habitent, ce sont des mécréants. فإذا لم ترى يعني يعني علامة على إسلامه فلنا من الناس ما ظهر كما قال عمر. On prend des gens qui nous montrent d'apparence. نعم. Mais ça ne veut pas dire que toi, par exemple, le fait que tu dises, par exemple, tu vois quelqu'un, tu il a aucun signe ou la kada. Là, quand tu lui passes pas le salam, yani, ou là, yani, tu t'amènes, mu'amalat al-muslim. Du moment que c'est son hal, il t'est pas apparu clairement. Mais si tu es dans un pays musulman, hada, ghair. Yani, qa'ida, c'est pour ça aussi, c'est bien de faire usul al-fiqh. Qa'ida fi usul al-fiqh wa al-qa'ida fiqhiyya. Istishab al-asl, le fait de revenir à la base des choses. C'est quoi la base des choses fi hadha al-bilad? Al-kufr wal-ilhad. C'est quoi la base des choses fi bilad al-islam? Al-islam. Non. Oui. Non. Oui. Thumma qulna, donc, après on revient. Wa tasbut bi ahadi al-amrayn. Donc, ce hukm, le fait de rendre une personne mécréante, c'est confirmé par deux chemins, deux tariq. Bi ahadi al-amrayn. Al-iqrar wa al-shahada. Al-iqrar. Faut enlever après le. عند الشهادة الالف واللام. Faut enlever. طيب الإقرار وشهادة شهادة رجلين مسلمين عادلين شهادة رجلين مسلمين عادلين عادلين أو عدلين نعم ها عادلين عادلين او عادلين الاثنين يصلح او اي او تفضل وعليكم السلام طيب وهذا مذهب جماهير العلماء لم يخالفوا فيه الا الحسن donc ça c'est l'avis de la plupart des savants ou de la totalité des savants à l'exception de Hassan al-Basri. Ishtarata arba'a shuhud li ithbat ar-ridda. Il a conditionné qu'il y ait quatre témoins pour affirmer que la personne a mécru. Li'anna 'uqubataha al-qatl qiyasan 'ala az-zina, qiyasan 'ala zina ولا تقبل نعم قياسا على الزنا. Donc lui il a fait un qiyas. Celui qui fait zina, on doit lui apporter combien de choses? Arba'a. Donc lui, comme il a dit que la ridda, le fait de sortir de l'islam, on peut te, le dirigeant musulman, il peut ordonner que tu sois tué par rapport à ça. Alors lui, il dit comme là, on a le jugement de tuer la personne. Et dans celui qui fait zina, pareil, on a le jugement de tuer la personne. Alors là, on doit avoir les mêmes nombres de shuhud. Ça, c'est Hassan al-Basri qui dit ça. Mais c'est pas la vie le plus juste. La vie le plus juste, c'est celui que la totalité des savants, ils ont choisi. Comme quoi, il faut deux personnes. Deux personnes. Hunak farq. Baina an naqul, quelqu'un, il vient avec un khabar. Il te dit un khabar. Oh, fulan, dans la mosquée de Villiers, maintenant, qala kada wa kada. Est-ce que lui, on va lui dire, ramène-nous encore un témoin? Hein? Non, maintenant, maintenant, musulman. Ah, si, on les connus qu'il est. Ah, ça suffit. طيب والان لماذا قلنا اثنين؟ Pourquoi on a dit deux là? Ahsan. فرق بين قبول الخبر. Faut faire une différence entre le fait d'accepter le khabar et le fait de juger sur une personne bil kufr ou le tabdi' ou le tafsir. La but que la personne elle vienne avec on est obligé d'avoir deux témoins sur la personne qui a fait l'acte de mécréance ou qui a dit la parole. Pour les témoins, il faut qu'ils se connaissent, c'est ou bien il faut pas qu'ils se connaissent. Là, le shart an yakuna rajulayn muslimayn adlayn. Même si les deux témoins se connaissent. Non, du moment que c'est des oudoul, qu'ils ont été qualifiés pour être des gens droits. Il n'y a pas de différence si c'est un homme ou une femme qui apprend de ça. Là, al mar'a la takfi shahadataha li wahdiha. La bud an ta'ti bi mar'a. Fa idha kana al-an si c'est yani deux femmes qui t'apportent ce jugement, il faudra absolument rajouter un homme. Comme avait surat al-Baqarah, il faudra rajouter absolument un homme. Et si c'est, si c'est deux hommes, enfin, y a qui? Laquelle? La femme? Ou quatre femmes. Mais ce short là, il a été pris une haine. Yani, short al-Iqra? Là, le shahidain, rajulain, yani. Mais wa ashhidu ذوي عدل سورة طلاق أظن وكذلك لأن هذه من الأحكام أحكام الشهادات لا quand on dit جماهير العلماء يعني totalité des علماء sauf à l'exception de الحسن فكلهم ils sont d'accord pour dire que il faut soit l'إقرار soit la شهادة et أحكام الشهادات معروفة مذكورة في القرآن. Les règles concernant les témoignages, ils sont évoqués dans le Coran. Surat al-Baqarah, Surat al-Talaq, wa ghayraha. طيب. طيب. Ces règles-là que tu viens de dire, ils sont évoqués dans les surat que tu viens de dire. Quelle surat? Ta surat al-Talaq, le verset. Qui c'est qui nous prend la mushaf? Verset 2, surat al-Baqarah vers la fin. Ouais, la dernière page, c'est qui peut regarder le verset? C'est le plus long verset du Coran. Naam. Taïb. Naam. Taïb. Hada shi. Thumma hunaka fa'ida. Jamila. ولا تقبل الشهادة بالردة بالمجمل مجملة يعني لا تقبل la شهادة lorsque quelqu'un vient pour témoigner d'une personne qu'elle a fait une qu'elle est tombée dans une mécréance, on n'accepte pas son témoignage d'une manière... si lui, il vient et témoigne d'une manière mujmala. Mujmala, c'est... ouais, flou. Yani, c'est pas clair. Maintenant, Al-An, il vient et dit « Oh, Zayd, ra'ayna, oh, ra'aytu Zaydan, kafar, faqad kafar. » J'ai vu Zayd, il a mécru. J'ai vu Zayd dans l'autre mosquée et j'ai vu qu'il a fait... Il a fait un acte de méfiance. Hada la yukbar. La yukbar. Et ça, ça va vous aider beaucoup. Ça, ça va vous aider beaucoup. Quand ulaqi ba'd al-ikhwa fi al-hajj, j'ai rencontré beaucoup de frères lors du hajj, quand on était à Mecca. Ba'dhum jaw min ba'd al-manatiq. Certains venaient de certains coins de la France. Et il me demandait au sujet de certains frères qu'on avait en commun. Ou plutôt, moi, je leur demandais, ouais, comment va Fulan, comment va Fulan. Il me dit, hada, yani, maftoun. Hada maftoun. Alors, tayyib, maftoun bimada. Il me dit, maftoun, il dit, alas al maftounin, fum maftoun. Alors, fa, yani, si tu prends sa parole, si tu prends la parole, quelqu'un d'autre y vient, il dit la même parole, leur shahada n'est même pas maqboula. Parce que là, faut qu'il t'explique pourquoi il dit que c'est un mafto. C'est quoi son dalil pour dire qu'il est mafto? Non. Et même après ça, comme on va le voir, il y a des choses que la personne, elle peut voir que ça fait sortir de la salafia, ça fait sortir du deal, mais en vérité, ça ne veut pas sortir du deal, ni ça veut sortir de la salafia. Donc là, on est obligé, la bouddha min tafsi. La personne, elle est obligée de venir avec un témoignage détaillé. طيب كقول الشهود كفر فلان او ارتد كم لا parole de certains témoins qui disent فلان a mécru ou فلان est sorti de l'islam. بل لا بد من تفصيل ما سمعوه. Mais au contraire, on doit prendre c'est obligatoire d'avoir un tafsil dans la mas'ala. Un détail. Que tout cela soit détaillé. طيب. Et pour toutes ces mas'ala là, celui qui veut revenir au marji', fawa kitab Ibn Qudama Al-Mughni. Al-Mughni, kitab tawil, arid, Al-Mughni. ذكروا في ذلك الشيء الكثير. نعم. ثم. ouais, c'est sur la مسألة sur le témoignage d'Iqrar. المغني. ابن قدام. المقدسي. oui. bon, nous نأخذ فقط تعريف العدالة وننتهي. طيب والعدالة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قلنا كما في مجموع الفتاوى وهذا غلط. Ça, on s'est trompé, on a mis مجموع الفتاوى, mais c'est صحيح que c'est dans كتاب سياسة الشرعية. C'est dans son livre سياسة الشرعية, la politique religieuse. 24 tomes. Mais c'est une référence. Adam Marja. Kitab al-Mughni. Ibn Qudam. Kitab, Siyasa al-Shar'iyya. Donc, là, c'est une parole que Cheikh al-Islam, il a rapporté, ou il a évoqué dans son livre, Siyasa al-Shar'iyya. La politique religieuse. N'aim. Subhanallah. Yani, hada kitab, Siyasa al-Shar'iyya. Min ajmal ma ulifa fil bab. Pour te dire, cette religion, elle n'a rien laissé. Même la politique. Même la politique. Ça, c'est un livre, Siyasa Shar'iyya, Nansah Bihi Jami Al-Ikhwa. C'est un livre, il est rempli de fawa'ir, rempli de khair. Siyasa Shar'iyya, la politique religieuse. Et Cheikh l'Islam, il évoque comment devrait être la politique islamique. Puis Jami Al-Dawal. Et il ne s'arrête pas qu'à parler des dirigeants, mais bien au contraire. Il évoque aussi les imams de mosquées, il évoque aussi les pères de famille et les parents, toute personne ayant une responsabilité. Enfin, il évoque toutes ces catégories avec des nasa'ih, bil kitab, sunnah, jamil. Au Cheikh Al-Uthaymeen, il a charah, alayh, yani charah, yani azim, ra'i'. Il a fait un charah magnifique de ce livre-là. On conseille à tout le monde, enfin, surtout ceux qui comprennent la langue arabe, de se procurer ce genre de livre. Non. Donc il a dit, ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. Donc c'est quoi la adala? Quand tu dis d'une personne elle est adl, quand tu dis d'une personne que elle est juste, au sujet des deux témoins, on doit prendre deux témoins juste, musulman mais juste, c'est quoi la adala? Il dit c'est des gens qui sont salah, qui sont pieux et qui sont salah din, c'est-à-dire dans leur religion tu vois qu'ils sont qui sont à la salah, qui sont vraiment istikhama, dans la droiture dans leur religion, et ainsi que dans leur mœurs, yani dans leur mœurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choses, ils vont utiliser des choses qui les embellissent. Yujammiluhu wa yuzinu yuzayyinu. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont s'éloigner des choses qui les enlaidissent. Par exemple, le fait d'une personne d'entre nous, elle rentre dans un bar. Rentrer dans un bar, c'est pas haram en soi. Si toutefois, il n'y a pas les maransi qui... Yani, mais ça peut te salir ton image. Naam. Ça peut salir ton image. Ou aller dans des entrées où il y en a qui sont ma'rouf. Bil bichar. Si tu n'habites pas dans ces entrées. Naam. Toutes ces choses-là, ça peut salir ton image. Naam. Donc, ceci, yani, sont des choses qui sont à éviter pour ne pas, justement, que... ou pour plutôt qu'on en dise de la personne que c'est une personne ad, il faut que elle s'applique qu'elle s'applique à ne pas faire des choses parmi les mœurs qui pourraient la salir son honneur ou sa personne. Juste une question, par exemple, si on voit dans la mort, pour raison de travail, par exemple, pour une raison. Là, c'est un autre. Yani, toi, t'as un haja. C'est comme celui qui va chez le sahir. Celui qui va chez le sahir, haram. Sauf celui qui a un haja, qui veut lui prouver qu'il est dans un dalal. Il veut le yunadro. Hein? Il veut lui montrer qu'il est dans un dalal. Il veut lui bayan le haq. Fahona, yani, ajazahu l'ulama. Non. Haja, c'est quoi tu dis? Haja, c'est un besoin. Ouais. Par exemple, celui qui va dans une entrée comme ça, lui il va faire da'wa. Ma'alehi ici. Voilà. Même si les gens ils disent oh, mais lui il est rentré là-bas, on comprend pas ce. Parce que des fois les gens ils aiment pas, ouais, mais la dernière fois je t'ai vu là-bas et tout. Oh, ouais, naam. Toi, tu sais ce que t'as fait réellement. Naam, lakin, anta, alayka an tubayyin. Toi, tu te dois de bayan après. Ceux qui t'ont vu, par exemple, quelqu'un t'a vu. Et tu vois qu'il essaye de fuir, il t'a vu, il essaie de. Tu sais, il est bizarre. Appelle-le, dis-lui, moi j'étais dans l'entrée là parce que je faisais da'wa à Fulan ou la Fulan. C'est ce que dire. Comme le prophète Hassan, il appelle ses compagnons par rapport à Safiyya. Ah oui. Innaha Safiyya. Ala rislikuma. Innaha Safiyya. Thumma qalu, ya Rasulullah, subhanallah. Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. Et je n'ai dit ça que parce que le diable coule dans les veines du fils d'Adam. Et j'ai craint qu'il jette dans vos cœurs une chose. نعم. Donc on va s'arrêter là pour pas que ça passe trop sur vous. Mais Inch'Allah, demain, on va rentrer dans un... Ah, demain. Mais il y a plus vite. فالدرس الذي يأتينا سنرحل dans le plus important des shurut, c'est qiyam al-hujja, qui est le fait d'établir la preuve. Et par quoi, يعني مسألة, le fait d'établir la preuve, l'autre مسألة, comment on établit la preuve, par quoi on établit la preuve. Après l'autre مسألة, qui c'est qui peut établir la preuve, et qui c'est